faire remarquer, tu pourrais mieux faire. Ta solitude et ton amertume te gâchent tout court. Dans ta vie, personne veut te tes regards indiscrets. Fais ce que tu veux.